بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس السادس بعنوان عبد الله يبحث عن بيت بجوار عثمان. عبد الله cherche une maison proche de عثمان. قال الكلمات الجديدة nouveau vocabulaire. عمارات qui est le جمع de عمارة qui sont les immeubles, les bâtisses. Chikakun, c'est le jam de Shukka. Là, dans le sens voulu, c'est un appartement. L'Ijar, l'Ijar, c'est la location. Le loyer, en fait, plutôt. Le loyer. L'Ijar, c'est le loyer. Mebniyatun, c'est construite. Attiraz, mana anou'a. C'est un genre, une forme, ça peut être un style. Non. Al-Hadith, ou Nabi Mana al-Jadid, c'est nouveau. Al-Hadith a le sens de nouveau. Al-I'lanat. Le jam de i'lan qui veut dire annoncer. Là, il veut dire par là les annonces, les petites annonces. Ama a'lana yu'linu, c'est déclarer une chose, annoncer une chose. Faire apparaître une chose également. Al-khaliyah, c'est le axe de mashroul, c'est vide. C'est-à-dire vacante, libre. Makatib, aqariyah. Makatib, c'est le jam de maktab, bureau. Akari, c'est immobilier en fait. On veut dire par là agence immobilière. Agence immobilière. Shikka, on l'a pris au-dessus. Matbakhun, marlouf, cuisine. Akariyun, c'est une chose qui est immobilière. Rariba, fi, yalrabu. Fi, c'est vouloir une chose. Hein? Alors, riba, fi, c'est convoiter une chose, vouloir une chose. Et quand tu dis le, quand tu dis an, c'est le contraire. Si tu dis riba fi zalik, c'est vouloir telle chose. Et le axe, c'est riba an, ce n'est pas la vouloir. Comme kafir kulli azza wa jal, wa man yarghabu an millat ibrahim, faqad yastafiha nafsah. Celui qui ne veut pas de l'argent d'Ibrahim. Et après, il est blâmé. Donc, c'est le même verbe, mais avec le harf qui vient derrière, ça peut être le contraire. Faire attention à ça. Taïb. Sakra Abdullah Yanta Othman. Qal. Al-Hiwar. Hel astati'u an ajida maskanan munasiban fi hayyikum. Puis-je trouver, est-ce que je peux trouver un domicile convenable dans votre quartier. C'est un nouveau quartier et beaucoup des immeubles qui se trouvent ont des appartements à louer en location. Hassanan, walakinnani uridu an takuna ghurafuhu أن تكون غرف شقة واسعة وكذلك حمامها ومطبخها. Il dit très bien. Cependant, moi je veux que ces chambres, que les chambres de cet appartement soient grandes. Et également ce hammam. Hammam, ça englobe la salle de bain et les toilettes. À la base, c'est plus la salle de bain, mais dans les pays arabes, c'est mélangé avec les toilettes. Ainsi que sa cuisine. Qu'il dit rassure-toi, itma'in yatma'innu, c'est se rassurer, s'apaiser. Donc rassure-toi, ces appartements sont construits sur un nouveau style. Et toutes ces pièces sont... Tout à l'heure, on dit ghuraf, on dit chambre, c'est pièce en fait. C'est plus le sens de pièce. Ghurfa, là, non, c'est plus le sens de pièce. Toutes ces pièces sont grandes, comme cette pièce-ci, c'est-à-dire en montrant la sienne. Là, ils sont chez lui, il dit comme ma pièce, là. Attends, j'ai lu ta part, là, non? Ah non, j'ai traduit seulement. Je suis fou. J'ai cru que j'avais lu. Je suis parti ailleurs, là. Tayeb. Abdullah Yakoul. Wa kayfa ajidu shuqqatan munasibatan. Comment je trouve un appartement convenable, décent? Donc il dira dans les journaux des petites annonces. Souhouf là, c'est le terme de sahifa, c'est-à-dire les journaux. Dans les journaux, il y a beaucoup d'annonces à propos d'appartements libres. Khalia, on a dit vide, libre. Sahifa. Et dans le quartier, il y a des beaucoup d'agences immobilières. Non. Abdullah yaqul arghabu fi adh-dhahab ila ahad hadhihi makatib al-aqariyya. Donc je souhaite, là on dirait je souhaite nous en français, mais en vrai c'est j'ai l'envie, je veux, tu vois, me rendre dans l'une de ces agences immobilières. Je connais une agence dans cette rue. Allez. Tamam. Ma foum hada. At-tadrib al-awwal. Ajib an as-silati at-taliyah. Répond question suivante. Adi as-silat ta'alaq bin-nas. Hal al-hayy alladhi yaskunuhu Uthman jadid aw qadim? Est-ce que le quartier dans lequel habite Uthman est nouveau ou ancien? Thaniyan, ma nou' al-ghuraf wal-hammam wal-madbakh allati yuriduha Abdullah. Quel genre de pièces et de hammam et de cuisine que veut Abdullah? Thalithan, limadha qala Uthman ya Abdullah itma'in? Pourquoi est-ce que Uthman a dit Abdullah rassure-toi? Rabihan, kayfa yastati'u Abdullah an yajida shuqqatan munasibatan? Comment est-ce qu'Abdullah peut trouver un appartement décent, convenable? Khamisan, ila ayna yadhhabu Abdullah idha arada an yas'ala an maskanin? Où est-ce que Abdullah doit se rendre s'il veut interroger à propos d'un domicile? Sadisan, mal makatibu al-aqariya? Que sont les agences immobilières? Sabian, limadha Abdullah mashhurun fi hadhihi al-ayyam? Pourquoi est-ce que Abdullah est occupé ces jours-ci? Je crois que tu peux regarder dans l'ancien texte également. Pour les ajouba. التدريب الثاني أجيب كما في النموذج في كم دون اكزامبل عندنا شقة بين قوسين entre parenthèses كيف نجد شقة مناسبة؟ Donc comment trouve-t-on un appartement décent? Donc là le mot parenthèse tu dis كيف نجد كذا avec le نعت qui va derrière qui est مناسبة تفضل فندق qui veut dire hôtel. Munasiban, Funduk, c'est un muzakkar. Donc, si fait, c'est un muzakkar kadhalik. Muhandis, qui est ingénieur ou architecte. Kayfa najidu muhandisan munasiban? Naam. Sayyara. Kayfa najidu sayyaratan munasibatan? Tabib, ma'ruf. Kayfa najidu tabiban munasibatan? La. Kayfa najidu tabiban? Non, munasiban. Si'arun, le prix. Kayfa najidu si'aran munasiba? Tayeb. Yaqul, hawwil kama fi namoudhaj. Thalith. Ana, t'as le domir entre parenthèses. Hel astati'u أن أجد مسكنا مناسبا لي. Est-ce que je peux trouver est-ce que je peux me trouver un domicile convenable? Donc là, tu fais pareil avec les damaïr qu'il y a en dessous. Et comme je t'ai expliqué, quand le verbe vient derrière an, il est mansoub. Aramat nosbihi al-fatha aslan, à la base. Après, ça peut être, on enlève le noun comme on a pris la dernière fois. Et maintenant, tu fais la même phrase avec ant. Tu prends le domir qui correspond au domir qui est demandé. Anta. Ahsant. Anti. هل تستطيعين هل تستطيعين أن تجدين tu es tombé dans le piège. Aïwa, mansoub, si on dit quoi? C'est quel verbe qui est mansoub? Ayyuhuma mansoub? Astati' ou? La la, ajid. Aïd. Alors, hal tastati'ani? La. Tastati'ina. Aïwa. An. Hal tajidi. An tajidi. Aïwa. Tu dis pas tajidina. Tu dis an tajidi. Hal tajidi maskanan munasiban laki. Laki, naam. Houa. Alors. هل يستطيع أن يجد مسكنا مناسبا له؟ Attention parce que des fois le verbe wajada yajidu, souvent on a tendance à rajouter un med. On dit yajid. C'est yajid. Non. Nous je sais que les francophones on peut avoir beaucoup de problèmes avec les mudoud. Je sais que c'est un truc qui m'arrive même jusqu'à aujourd'hui et depuis le début parce que nous on n'est pas dans notre langue il y a pas de mudoud, il y a pas de med. Des fois on prononce les mots sans med. Tu verras c'est une chose souvent fréquente chez les arajim comme nous. Surtout les Français. Souvent, quand on lit, on saute les moudoud. Quand il y a un med, on ne le prononce pas. Faut faire attention à ça. Mais ça arrive fréquemment. Naam. Hiya. Hal tastati'u. Hiya. Hiya, hal tastati'u. Naam. Hal tastati'u. An tajida. Hal tastati'u an tajida. Maskanan munasiban laha. هما مذكر هل يستطيعان ان يجدا مسكنا مناسبا لهما هما مؤنث هل تستطيعان ان تجدا طيب طيب شو قاعد من المد ان تجدا مسكنا مناسبا لهما هم هل يستطيعون ان يجدوا لا بس يجدون مي لا كوم لي منصوب ونلف النون ان يجدوا مسكنا مناسبا لهم انتم هل تستطيعون ان تجدوا مسكنا مناسبا لكم نحن هل نستطيع ان نجد مسكنا مناسبا لنا هن هل يستطيعنا هل يستطيعنا si tu trouves celui-là alors mabarak هل يستطيعنا non si tu connais pas dis Allah wa alam si tu connais تفضل هل يستطيع هل يستطيعنا نعم ان ان يجد ان يجد ça que je te propose tu dis Allah alam نعم le noun niswa celui qui est damir c'est pas un noun de Aramat de l'Arab. Comme dans Yelzhabouna ou Tazhabina. Ce noun-là, c'est un domir. Il ne faut pas l'enlever. C'est un domir en lui-même. Comme le waou Yelzhabouna. Ce waou, c'est un domir, c'est l'ulfa'il. Hum Yelzhabouna. Wahouma Yelzhabani. Yelzhabani, le alif, c'est le domir. C'est le fa'il. Eh bien, yadhhabna, le na, c'est le fa'il. Il ne s'enlève pas. C'est un domir. Ce n'est pas comme le nun de tadhhabina, ou tadhhabani, ou tadhhabuna. Ce n'est pas le même nun. Lui, c'est un domir, c'est un nom. Il ne faut pas l'enlever. Donc là, le verbe qui est attaché au nun niswa, il est mebni à la sukun. Donc il reste pareil. Hel yastati'na an yadhhabna, ou yajidna. Il est mebni, il est invariable, il ne change pas. Pour aller comme ça. Là, tu ne changes rien du tout. Mêlé fi mahal nasb. Ça viendra plus tard, Inch'Allah. On va aller comme ça. Ça viendra, Inch'Allah, en son temps. Alors, Donc, le sawab, c'est an yajidna maskanan munasiban lahunna. Arabia. Celui-là serait hadha yakun fil bayt. Imla al faraghat fi jumal atiya bil ikhtiyar kalimat munasiba. Là, tu remplis les trous avec les phrases, les mots qui correspondent. Anana jadid mabniyatun ahadun al khaliya ahsulu. On a dit hasala ala, ça veut dire quoi? Obtenir. Non. Mithl, ça veut dire comme. Yal rabu, on a pris là aujourd'hui. Al aqariya, on a pris aujourd'hui. Jumal oula. Kullu ghuraf al imarati jadidatun. Hadhihi al ghurfa. Toutes les pièces de cet immeuble sont nouvelles. Cette pièce. Tu as trouvé le mot qui va. Thanian, na'am, wa baytun. Oui, c'est une maison. À toi de mettre le mot qui va. Thalithan, wa kayfa. Ala sayyaratin jadidatin. Et comment une nouvelle voiture. Rabi'an, as-suhufu fiha kathirun min al-i'lanati an ash-shiqaq. Les journaux contiennent beaucoup d'annonces sur les appartements. Tu mets le mot qui va. Khamisan, itma'inna fa hadhi shiqaq ala tiraz al-hadith. Assure-toi car ces appartements, le mot qui convient, sur le nouveau style. Sadisan, la yujadu dakhila shiqqa. Il n'y a pas de, le mot à trouver, à l'intérieur de l'appartement. Dakhila, c'est à l'intérieur de. Sabi'an, أخبرني صديقي أنه في دراسة العلوم الإسلامية. Mon ami m'a informé que il le mot à trouver dans les études des sciences islamiques. ثامنا توجد كثير من المكاتب في الشارع المجاور. Qu'il y a beaucoup d'agences dans la rue voisine. هذا تكون في البيت. خامسا Dha as'ilatan lil jabati at-taliya. Là, c'est trouver les questions ou réponses suivantes. Awalan uridu an astajira shiqqa wasi'a. Je veux louer un appartement large. Grand. Tu trouves la question qui va. Thaniyan fil hayy makatib aqariyatun kathiratun. Dans le quartier, il y a beaucoup d'agences immobilières. Thalithan ufaddilu adh-dhahab ila ahad al-makatib al-aqariya. Je préfère me rendre auprès d'une des agences immobilières. Rabi'an, na'am, ash-shiqqatu khaliyatun al-an. Oui, l'appartement est libre maintenant. Khamisan, ash-shiqqaku buniyat ala tiraz al-hadith. Les appartements ont été construits sur le nouveau style. Sadisan, qara'tu al-i'lan ams. J'ai lu les annonces hier. Sabi'an, lam ara mithla hadhihi al-imarat. Je n'ai pas vu comme ces immeubles dans notre quartier. Thaminan yarghabu fi shira sayyaratin jadida. Il veut, il souhaite, il a envie d'acheter une nouvelle voiture. As-sadis akmil kama fi an-namudhaj. Yaqul fi suhuf entre parenthèses. Fi suhuf i'lanatun kathiratun. Dans les journaux, il y a beaucoup d'annonces. Fais pareil avec les kalimat qui vient. Vas-y, toi directement, lis les phrases avec en ajoutant ce qu'il faut derrière. Naam. Fanadiq, c'est le jam de fundouk. Naam. Fanadiq, naam. L'aéroport. Non. C'est le jam de Moustachfa qui est hôpital. Non. La poste. Non. طيب مفهوم هذا سهل. والتاسع السابع نكمل به هذا يتلفقا في البيت. استعمل كل كلمة من كلمات التالية في جملة مفيدة. مثل المو في فون دون اون فراز. شقة الحديث دون سونس دو جديد. الخالية الإعلان مطبخ اطمئن كيف دير راسيور توا للإيجار la location. مثل كم يا رغبو on a pris ومشغول وتراجع الكلمات الجديدة. نعم الفعل يا رغبو بدون في وعن ما معنى je le connais pas sans. C'est comme ذهب إلى sans في sans عن فالغب. C'est quoi le verset? Donne le verset. وإلى ربك فالغب. Donc en fait, il rob, il est rabbik. Il y a un harf au jar, mais il a été kaddam. Qui fait, ça a quel sens? Rob, en fait, c'est lui qu'il faut que tu veuilles. Et on avait dit quoi? Ce qui est à la base va mu'akhiran quddima fil jumla, ça veut dire quel sens? Hasr. C'est-à-dire la targhab illa ila Allah. Que tu ne veux que lui. C'est aussi le sens de vouloir avec ila, comme fi. Il y a ni viser, chercher à obtenir. Hada. Wa fik. Mafhoum hada? Wa yakfi ila huna wa alhamdu lillahi rabbil alamin.